Le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, continue sa tournée dans les provinces de l'intérieur du pays. Ce jeudi, il a procédé à l'inauguration des infrastructures publiques en province de Karusi. Il s'est joint à la population dans les travaux de construction d'un stade moderne situé au chef-lieu de la province Karusi et dans les travaux de construction d'un centre de santé de Musenyi de la commune Tangara en province Ngozi. Les détails avec Eli Irumba. Le numéro 1 burundais a commencé ses activités en commune Nyabikere où il a inauguré un tank d'eau qui servira à l'inauguration d'un champ sémencier. Dans cette même commune de Nyabikere, le président Nkurunziza a inauguré un hangar de stockage des produits agricoles. Par après, le chef de l'État a poursuivi ses activités en commune Mutumba où il a procédé à l'inauguration d'un centre de négoce de Mutumba. Ce centre qui a été construit grâce aux efforts de la population compte 97 stands. À Mutumba, le président Nkurunziza a félicité la population de la province de Karusi d'avoir répondu à l'appel qui a été lancé relatif à la construction des marchés modernes. Les marchés sont incontournables en matière du développement durable, selon toujours le président de la République. Il a remercié la population de Karusi car elle a sauvegardé la paix et la sécurité et l'a encouragé de continuer dans ce sens. Il a profité de cette occasion pour sensibiliser les parents d'envoyer leurs enfants en âge de scolarisation à l'école. Le président Pierre Nkurunziza a rappelé que dans le passé, certaines gens n'ont pas eu la chance d'étudier suite à la période difficile qu'a connue le Burundi. Il a signalé que ce n'est plus le cas, que la paix et la sécurité règnent sur tout le territoire national et qu'aujourd'hui, l'enseignement est gratuit. Il a invité ceux qui sont déjà au banc de l'école de terminer leurs études. Après la commune Mutumba, le président Nkurunziza a inauguré d'autres infrastructures. C'est entre autres le lycée technique Saint-Benoît de Bugenyuzi et l'école fondamentale de Tema, toujours à Bugenyuzi. Il s'est joint à la population dans la construction d'un stade moderne au chef-lieu de la province Karusi et dans les travaux de construction d'un centre de santé de Musenyi situé en commune Tangara de la province Ngozi. Ngozi, Eli Irumba pour la radio scolaire Nderagakura. Le ministre de la Sécurité publique Alain Guillaume Bougnoni et celui de la Défense nationale des anciens combattants Emmanuel Naumvoukiye ont respectivement répondu ce jeudi aux questions orales des parlementaires à l'hémicycle de Kigobe. Au centre étaient les préoccupations en rapport avec les contingents burundais en mission de maintien de la paix en Somalie. Les détails avec Anne-Marie Koubouayo. Dans cette séance, le gros des questions était adressé au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants Emmanuel Naumvoukiye, notamment la question relative au projet de certains pays de retirer leurs troupes qui se trouvent en Somalie, ce qui, selon le ministre de la Défense nationale, aurait des conséquences graves sur la sécurité de la Somalie et des pays voisins, mais également sur les pays ayant envoyé leurs troupes en Somalie pour question de vengeance des terroristes Al-Qaïda. À la question de l'Union européenne de remettre les frais de mission aux mains des militaires eux-mêmes, le ministre de la Défense nationale dit que ce système n'a jamais existé et rendrait difficile le commandement et le contrôle des troupes. Selon lui, ce serait une entorse grave aux conventions signées entre l'Union africaine et les pays qui interviennent en Somalie. Enfin, le ministre Emmanuel Naumvoukiye a tranquillisé les militaires en mission de maintien de la paix en Somalie qui viennent de passer 10 mois sans percevoir leurs frais de mission. Le ministère de la Défense suit de près la question, a-t-il renchéri. Il explique ce retard de paiement par le fait que l'Union européenne a réduit de 20% l'aide d'appui destinée à la MISOM. Mwebwe murosa kajyo rero ko kwiga mwige mudatera hasi ni mutakazi segonda nimwe umwe arageye kwiga yiga zineze ko zokwiga akabandanya gasozera maka karunguru papo rw'umutsindo ariyo tongo ngendanwa atamusha kwikwaka. Les étudiants de l'Institut national de la santé publique, INSP, ont accueilli avec tristesse le projet de décret portant la revue de l'octroi de la bourse de l'État à la faveur du système de pré-bourse. Cela transparaît dans une déclaration sortie le 3 novembre 2016 par ces étudiants. Comme le fait savoir leur représentant majorique Shadrach Ndayiragije qui a lu cette déclaration, les étudiants demandent au ministère de tutelle et d'autres institutions concernées de sursoir sur ce projet de décret qui ne favorise en rien rien la jeunesse burundaise. Nous, étudiants de l'Institut national de santé publique, voudrions montrer notre point de vue sur les conclusions du Conseil des ministres du 26 octobre 2016, diffusées sur les médias le jeudi 27 octobre 2016 par le porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Parmi ces conclusions figurait l'une concernant la réorganisation de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, où le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant sur la revue de l'octroi de la bourse d'études et des stages. Ce projet de décret stipule que la bourse qui était octroyée par l'État sera remplacée par un système de pré-bourse consistant à donner aux étudiants un crédit remboursable après leurs études. En cas de redoublement, ce projet stipule également que l'étudiant ne bénéficiera plus de pré-bourse. De plus, tous les étudiants devront se payer les assurances. Vu les conditions de vie insatisfaisantes de la plupart de la population burundaise en général et de l'étudiant en particulier, surtout que la majorité de ces derniers migrent vers la capitale pour suivre les études universitaires, des difficultés dans le remboursement de ce crédit que l'étudiant va subir, nous, étudiants de l'Institut national de santé publique, avons accueilli cette nouvelle avec grande tristesse. Pour ce, nous demandons au ministère et au projet en main et aux autres institutions compétentes de revoir l'approbation de ce projet de décret qui ne favorise pas la population dans l'ensemble et plus spécifiquement la jeunesse burundaise. Le bureau d'études des programmes de l'enseignement post-fondamental se dit satisfait de la retraite d'une semaine qui s'est tenue à Gitega. Joël Gachaka, le directeur de ce bureau, indique que l'objectif était de terminer l'élaboration du programme pour la troisième année post-fondamentale, toutes les sections confondues, et entamer le programme pour la quatrième année pédagogique. Joël Gachaka estime que cet objectif a été atteint. Nous avons fait une retraite à Gitega pour toute une semaine et l'objectif était de terminer l'élaboration pour la troisième année post-fondamentale, toutes les sections confondues, et entamer l'application pour la quatrième année pédagogique afin que nous soyons dans les échéances qui risquent de toucher à sa fin. Et vous savez qu'avec cette année, le programme post-fondamental s'est généralisé dans tout le pays au niveau des premières années. Il y a quand même 11 écoles de validation qui sont en deuxième année, donc le contenu du programme pour la première année et la deuxième année avait été terminé à élaborer. Et conséquemment, c'est que l'année prochaine, l'année 2017-2018, il y aura l'année 3 qui sera en validation dans les 11 écoles, tandis que l'année 2 va se généraliser. Notre objectif, c'était de se mettre en diapason avec ce temps, afin que nous ne connaissions pas en retard dans l'exécution de l'élaboration des programmes de la troisième année post-fondamentale et faire la charpente et l'élaboration pour la quatrième année pédagogique. Donc, l'objectif qu'on s'était fixé, c'était qu'on puisse quand même faire une avancée considérable dans l'élaboration pour l'année 3, ce qui a été une réalité. Et nous voyons qu'avec le mois de novembre, nous allons finaliser et être en accord avec les experts qui nous aident dans la validation de ces programmes afin que nous soyons à temps pour l'année 3 et qu'il n'y ait pas de retard dans la production des manuels pour la troisième année post-fondamentale. Donc, en gros, je dois dire que nous avons été satisfaits des résultats qui ont été atteints et que nous comptons que dans les prochains jours, nous allons finaliser pour l'année 3 afin que les experts qui seront avec nous, qui valident aussi à distance, soient à l'aise dans la production de ces documents. Donc, en gros, je dois dire que ça a été une réussite. Page démographie à présent, le taux de croissance de la population est élevé au Burundi car chaque ménage possède un effectif d'environ 6 enfants. C'est ce qu'a fait savoir Jean-Paul Nimubona, employé du ministère des Relations extérieures et de la coopération internationale, chargé de la collaboration de son ministère avec le Fonds des Nations Unies pour la population FINUAP dans un atelier organisé ce jeudi. Jean-Paul Nimubona demande au gouvernement d'organiser des formations et de fournir du matériel spécialisé aux médecins en charge de la planification familiale. Nous venons de visiter les 6 provinces à forte intervention de FINUAP. Nous avons vécu dans certains hôpitaux visités. Le programme de planification familiale est bien suivi. Cela est lié à plusieurs facteurs. La réduction des décès maternels. Il y a l'éducation des jeunes sur la santé maternelle et sexuelle. Nous avons constaté que la population de plus en plus comprenne la méthode qui est enseignée pour la réduction des naissances au Burundi. C'est lié à la dividende démographique, comme vous le dites. Selon les statistiques actuelles, on a vu que pour une femme, la moyenne est de 6 enfants par ménage, ce qui est énorme pour les capacités, pour les familles. On préconise qu'un ménage ait au moins 2 enfants pour qu'ils puissent les éduquer et parvenir à leurs besoins. Avoir 6 les enfants dans la famille, c'est déjà trop. On ne peut pas les éduquer tous. C'est pourquoi nous avons fait des descentes sur terrain pour constater effectivement dans les 6 provinces à forte intervention pour voir comment le programme de planification familiale marche dans tout le pays. Les bénéficiaires commencent à comprendre le bien fondé de la planification familiale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans les provinces visitées, il y a des femmes qui nous ont fait un témoignage. Après avoir utilisé les méthodes de planning familial, ils nous ont dit que maintenant, ils ont une bonne santé par rapport à la situation antérieure, puisqu'il y a une femme qui nous a témoigné qu'elle a 2 enfants et que les 2 enfants les a eu dans une seule année. Ainsi s'achève cette édition. Ingénieur Pierre Claver Nzindukié a assuré la mise en onde à la présentation. Vous étiez avec Pimaki Bamboneyeho. Bonne journée.